السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous écoutez sur la chaîne du مركز الإمام الشافعي qui est dirigé par la noble Cheikh Abu al-Harith Ahmed ibn Suleyman Baadoukhoun, hafadahullah ta'ala. Et nous sommes toujours en train de bénéficier des explications de notre noble Cheikh, dans les explications qu'il a prodiguées concernant les sens des termes de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son épître Les Six Fondements. Et nous avions abordé le fondement numéro 1. Nous avions bénéficié des explications du Cheikh dans l'explication de l'introduction, dans l'explication du fondement numéro 1, du fondement numéro 2, du fondement numéro 3. Et nous allons aborder sans plus attendre, bi'idhnillah, le fondement numéro 4. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, selon le sens, le quatrième fondement est l'explication de ce qu'est la science et le fiqh, et de qui sont les savants et les fuqaha, ainsi que ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. Allah a exposé ce fondement au début de la sourate al-Baqarah, à partir de sa parole, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Jusqu'à sa parole dont le sens est ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Ce fondement est d'autant plus clarifié par ce qui est mentionné dans la Sunna à ce sujet, comme nombreuses paroles claires et explicites, même pour une personne ordinaire et simple d'esprit. Ceci devint par la suite une des choses les plus étranges, la science et le fiqh furent considérés comme des innovations et égarements, et leurs alternatives est de dissimuler le faux sous l'apparence de la vérité. Désormais, celui qui prononce la science qu'Allah a louée et prescrite aux créatures est déclaré hérétique ou fou, et quiconque la condamne s'en éloigne et compose des ouvrages mettant en garde contre elle et l'interdisant est le savant et l'érudit. Fin de citation des propos d'Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc notre cher Ahmed Badouhoun, hafadahullah ta'ala, expliquez donc que ce fondement est le quatrième, concernant la connaissance du savoir et qui sont les gens du savoir, les savants de la vérité, les héritiers des prophètes et des messagers, alayhi salatu salam, et savoir les distinguer des intrus, des imposteurs, ceux qui leur ressemblent, qui se font passer pour eux mais qui ne sont pas des leurs. Les savants sont les héritiers des prophètes et des messagers. Ils orientent vers la vérité, avertissent contre le mal, clarifient ce qui est licite et ce qui est illicite, distingue entre la sunna et l'innovation, distingue entre le hadith authentique et le hadith qui est faible. Ils revivifient les sunnans du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils anéantissent les innovations. Ils émettent des fatwas aux gens dans ce qui est relatif à leur vie religieuse. Ils décrivent pour eux et les avertissent contre les fitnes, les troubles. Ils redonnent vie au cœur des gens par le Coran. Ils redonnent la vue aux gens aveuglés. Et il leur redonne la vue par la lumière d'Allah. Et combien sont nombreux ceux que Iblis avait tués et à qui ces ulémas ont redonné vie. Et combien étaient des obstinés dans l'égarement et que les ulémas orientèrent vers la vérité et qu'ils furent pour eux une cause de guidance. Et quel bon impact les ulémas ont sur les gens et quel mauvais impact les gens ont sur les ulémas. Et il mentionna un hadith mentionné dans le sahab de l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et certes, les prophètes ne laissent en héritage ni dinar ni dirham, mais laissent en héritage la science, et quiconque en acquiert une quelconque part, alors a acquis une grande part. » Et donc, il faut savoir distinguer les savants qui sont des savants loyaux, véridiques, et c'est important de les distinguer des imposteurs. Car les ulémas, lorsqu'ils donnent la fatwa, attestent d'un jugement et le certifient. Et le prophète et les prophètes au sein de Bani Israël se succédaient et étaient ceux qui dirigeaient la communauté au sein de Bani Israël, au sein de la communauté des enfants d'Israël. Les prophètes se succédaient les uns les autres. Dès qu'un mourait, un autre prenait sa place. Mais dans cette communauté qui est la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons qu'un seul et unique prophète. Et donc ceux qui ont pris sa place par la suite, ce sont les ulémas, Mais lorsqu'il n'y aura plus de savants dans la communauté musulmane, les gens prendront alors comme leader des ignorants. Et ceci fut mentionné dans le hadith, qui est dans le sahih de l'imam al-Bukhari et dans le sahih de l'imam Muslim, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Certes, Allah n'enlève pas le savoir en l'enlevant du cœur des savants, mais il enlève ce savoir par la mort des savants. Et lorsqu'il n'y restera alors plus de savants, les gens mettront à leur tête des leaders ignorants. Et ils les questionneront dans la religion, ils leur feront alors des fatwas, ils leur émettront des avis juridiques, s'égarant par cela et égarant autrui par ce biais. Et nous sommes à une époque qui est très différente de celle des pieux prédécesseurs. À l'époque des pieux prédécesseurs, il y avait des milliers de savants. On pouvait des fois trouver dans la biographie d'un homme de science qu'il avait eu plus de 1000 cheikhs ou plus de 2000 cheikhs de qui il a bénéficié. Des fois, on retrouvait dans un même livre de hadith un homme qui rapporte un hadith de son père ou de son grand-père ou de son oncle paternel ou de son oncle maternel. C'est-à-dire qu'il y avait même des familles où dans une seule et même famille, il y avait plusieurs ulémas. Mais plus le temps passe, plus les savants diminuent. Plus le temps passe, plus le savoir diminue. Et il mentionna une narration de Anas ibn Malik dans laquelle il rapporta le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il avait prédit alayhi salatu wa sallam qu'il ne viendra pas une époque sans que celle qui la suit, c'est-à-dire celle qui lui succède, ne soit pire que celle-ci. C'est-à-dire que la situation ira de mal en pis. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a expliqué cette narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam transmise par Anas en expliquant que ce n'était pas que la situation va s'aggraver par rapport à l'émir ou par rapport à l'accès à la subsistance concernant les cultures. Mais c'est plutôt lorsque les gens de science diminueront, seront peu, et que vos lecteurs seront nombreux, et que la dunya sera obtenue par les actes par lesquels on recherchait usuellement l'au-delà. Et donc, se pose la question, comment reconnaître le savant? Il faut connaître leurs caractéristiques, connaître les caractéristiques des ulémas qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Et si on est amené à considérer un homme comme un savant, on regarde s'il correspond à ses caractéristiques et à ses critères. Parmi les caractéristiques des ulémas, la crainte pieuse d'Allah, ce sont ceux qui craignent le plus Allah et ce sont ceux qui sont les plus à même à se limiter, à s'arrêter là où il y a les limites établies par Allah. Il mentionna le verset numéro 28 de Sourate Fatir, dont le sens en français est le suivant. Certes, ceux qui craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs sont les ulémas. Et donc, parmi les caractéristiques des ulémas, le fait que les ulémas distinguent la vérité, ils distinguent la vérité du faux, ils reconnaissent la vérité et ils y appellent les gens. Il mentionne le verset de Sourate Saba, le verset numéro 6, dont le sens est le suivant. Et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité, qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Et donc, on en tire que les ulémas, que les savants sont capables de distinguer la vérité. Et ce verset montre que donc ces gens étaient des gens de science qui ont reconnu la vérité. Et il mentionna le dernier verset de Sourate Ar-Ra'd, le verset numéro 43, dont le sens en français est le suivant. Et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Et donc les savants, s'il leur apparaît la vérité, ils la suivent et la clarifient aux autres, et ils appellent les gens, ils appellent à la sunna, même si sa pratique est marginale, et avertissent contre l'innovation, même si elle est répandue parmi les gens et elle est considérée. Et lorsqu'ils sont atteints, ils sont atteints dans cet appel à la vérité et cette dénonciation du faux, ils sont atteints par ce qui les atteint comme nuisance et comme répercussion due à leur appel à la vérité. Mais ils endurent et persistent dans leurs efforts et ne sont pas influencés par cela, car leur but est de donner le bon conseil. Parmi les caractéristiques des ulémas, le fait que les savants se préoccupent par l'enseignement de la science authentique, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et la base du savoir, la base fondamentale de ce qui doit être appris est le tawhid. C'est la base des sciences, la base à étudier. Il donc donne de l'importance au tawhid. Il clarifie le tawhid, l'enseigne, lui accorde de l'importance, en font la base de leur appel. et ils avertissent contre ce qui constitue une opposition au tawhid, que ce soit une forme de polythéisme ou un accomplissement d'un péché ou une forme d'innovation. Parmi les caractéristiques des ulema, le fait qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal et ne redoutent pas lorsqu'ils œuvrent dans la cause d'Allah le blâme de qui que ce soit. Et il mentionna, le cheikh hafidhahullah ta'ala mentionna le hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, dans lequel il rapporta que nous avons prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous engageant à secourir tout musulman, à dire la vérité où que nous soyons, ne redoutant le blâme de personne pour le fait d'avoir agi pour Allah. Donc observe et compare cela. Compare cela avec les savants parmi les innovateurs, c'est-à-dire les innovateurs mais qui ont beaucoup de savoir et qui sont considérés injustement et de manière inappropriée comme étant des ulema. Ces gens-là, parmi les savants, parmi les innovateurs, ils ne donnent pas d'importance au tawhid, de la manière qui s'y est. Parmi eux, il y en a qui sont des prêcheurs au polythéisme, aux superstitions. Et les gens les considèrent comme des savants légitimes. Ils considèrent un individu comme un savant, comme un faqih. Ils vont se référer à lui, délaissant les savants dignes de nom, dignes du nom et dignes d'être questionnés, de ceux de qui on peut réellement prendre la parole en considération. Et donc certains parmi ces gens de science, parmi les innovateurs, c'est-à-dire qui sont perçus injustement comme étant des gens de science, préoccupent leurs auditeurs et leur public avec la politique des histoires comme les membres de la secte des frères musulmans ou chez les tablirs. Et ces gens-là qui donnent des cours et qui font des exhortations sont perçus comme des ulema alors que ce sont des ignorants. Et les gens ne distinguent plus les vrais savants des imposteurs et de ce fait il en découle des calamités. Ceci mène à des calamités et des catastrophes. Car quand une fitna survient, quand un trouble, une épreuve, une difficulté, une calamité survient au sein de la communauté musulmane, les gens demandent « Qui est-ce qu'a dit le cheikh un tel ?» Alors que ce cheikh est un conteur d'histoire, propage les innovations, n'accorde pas d'importance à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du mal, du blâmable de la manière qui s'y est, et n'accorde pas d'importance à la distinction entre la sunna et l'innovation. Et si une personne viendra à le prendre comme une référence en le considérant comme une sommité, faisant de lui un intermédiaire entre lui et Allah dans la connaissance de la religion, la connaissance du halal et du haram, la connaissance de la vérité et du faux, ceci est une cause d'égarement. Et de nos jours, les choses se sont inversées, comme Cheikh Ibn Abdelwahab rahimahullah l'a mentionné dans son épître. Car en effet, les innovations et les égarements sont devenus la norme. Chez les adeptes de la philosophie de la scolastique parmi les Jahmites, les Jahmiyyah, les Mu'tazila et les Asha'ira, ainsi que ceux qui les ont suivis parmi les Sufis, ainsi que les Zaydiyyah, qui sont une branche chez les chiites. Ils accordent de l'importance à des sciences qui ne sont pas fondamentales. Et même si certains d'entre eux ont de la science dans certains domaines, tels que la science du usul fiqh ou du hadith ou du tafsir, ils ont malgré eux des innovations graves qu'ils transmettent, qu'ils soutiennent et dont ils font la promotion. Et donc on voit parmi ces faux savants, parmi les innovateurs, ceux qui autorisent les mawalid, des célébrations innovées, ou qui autorisent le fait de saluer et de corroborer les chrétiens, les exactions des chrétiens lors de leurs fêtes polythéistes, mécréantes, qui font partie de leur dogme. Ils corroborent le fait de les féliciter lors de ces célébrations mécréantes. Et, ou bien il y a parmi ceux qui se disent du nombre des gens de science, qui sont pris pour des savants mais qui n'en sont pas, qui légitiment l'imploration des morts. Et il y a parmi eux également celui qui dit qu'à ce sujet, c'est un sujet dans lequel il y a la place à la divergence. Na'oudhou billah. Et donc il y a parmi les gens ceux qui considèrent que ce sujet-là, le fait de légitimer par des fatwas égarantes l'imploration des morts, ils disent que ceci est toléré dans le sens où on y tolère l'effort d'interprétation. Ou certains parmi eux essaient d'affilier cela au madhab de l'imam Shafi'i et au madhab de l'imam Malik, alors qu'ils en sont innocents. Et le cheikh a mentionné un verset pour qualifier cette atroce et abominable prétention en mentionnant le verset de Sourate Al-Kahf, le verset 5, dont le sens est le suivant. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Et donc, les choses deviennent confuses pour les gens, car Ces faux savants, parmi les innovateurs, font passer l'égarement pour le savoir et font percevoir les égarés comme étant un savant. Et en vérité, ils sont leurrés et induits en erreur concernant les ulémas, car un vrai savant ne peut pas être un innovateur. Car les leaders des groupes sectaires sont des prêcheurs à l'innovation. Et un savant ne peut pas être un innovateur ou être un leader dans un groupe sectaire ou un prêcheur à l'innovation. Car l'innovation est une opposition à la da'wa, au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment un héritier du prophète, quelqu'un qui serait un savant, donc un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant hérité de lui le savoir, peut être quelqu'un qui est en contradiction avec le message prophétique par l'appel et la promotion de l'innovation. Et à juste titre, il mentionna la narration de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, dans laquelle il avait dit: aucun savant n'a jamais innové, mais c'est plutôt que l'on a questionné une personne dépourvue de savoir ou qui n'est pas un savant. Donc le savant ne soutient pas l'innovation, mais peut soutenir l'innovation d'une personne que l'on perçoit de manière inappropriée, de manière erronée, comme étant une personne savante. Et donc, la personne qui prêche au tawhid et à la sunna de nos jours est perçue comme étant un marginal, comme étant un extrémiste, comme étant un arriéré. Et celui qui écrit dans le soutien de l'égarement, le blâme de la sunna, le secours des innovations, lui est considéré de nos jours comme étant le savant, le faqih. Et il donna un exemple, justement pour montrer où va l'extrémisme de certains individus dans l'égarement. Le fait qu'un des leaders parmi les leaders de l'innovation, parmi les gens de Bid'a, l'un d'eux qui était un soufi Ash'ari, Quburi, adorateur des tombes, d'origine mauritanienne, avait écrit une épître de 500 pages dans laquelle il expliquait la mécréance d'Ibn Taymiyyah. Il prétendait qu'Ibn Taymiyyah, cheikh l'islam, le grand savant de l'islam et de la sunna, était mécréant, selon sa prétention mensongère et fallacieuse. Et donc certains lui ont trouvé des excuses. Parmi les égarés, ils lui ont trouvé des excuses en prétendant que c'était un ta'wil, une interprétation et une conclusion à laquelle il était parvenu de par son effort d'interprétation. Ou certains prirent une autre position, tout aussi égarée, dans laquelle certains d'entre eux, parmi ceux qui s'affiliaient à la science, disant: concernant l'islam d'Ibn Taymiyyah, je préfère m'abstenir, c'est-à-dire je m'abstiens de l'affirmer, comme quoi il serait musulman. Il parle de cheikh al-islam Ibn Taymiyyah de la sorte. Et certains parmi eux, parmi ces déviants qui sont pris pour des ulémas, l'un d'entre eux a fait des fatwas dans laquelle il corrobore et approuve et légitime l'imploration des morts, les invoquant, leur implorant le secours, leur demandant des choses relatives à la subsistance. Ou certains d'entre eux font des fatwas prétendant que les Asha'ira, qui est un groupe déviant sectaire, font partie de Ahl Sunnah. Et ces égarés-là, lorsqu'ils sont amenés à s'exprimer concernant les adeptes de la Sunna, ils les traitent et les critiquent et les mentionnent comme étant des idiots, des ignorants, des arriérés, des extrémistes, des gens n'ayant jamais perçu la moindre forme de savoir. Et donc, parmi les bénéfices que tu as et dont que tu tires du fait de connaître les caractéristiques qu'ont les gens de savoir, les ulémas et les gens de science, ça te permettra de pouvoir apprendre de eux. Et une fois que tu as appris comme eux, alors ensuite œuvre en conformité avec ce que tu as appris. Et parmi ce qui aide le plus les étudiants en sciences dans leur compréhension de l'islam, ce sont ces épîtres, les épîtres comme l'épître Les Six Fondements. Donc elles permettent à l'étudiant en sciences de distinguer entre la vérité et le faux. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui est l'auteur de cette épître, est un savant qui a écrit ce livre avec science et clairvoyance. Et c'était un érudit, un grand savant de la Sunna et du Coran. Donc, étudie ces livres, mémorise-les, étudie-les, et médite sur les deux sources référentielles que sont le Coran et la Sunna. Puis, après avoir mémorisé les épîtres de base et les avoir étudiées, étudie les livres des deux cheikhs, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim. Puis bénéficie des livres des autres ulémas parmi les savants, tout en évoluant de manière graduelle, c'est-à-dire de manière évolutive. Et celui qui passe pour un savant, parmi les caractéristiques du faux savant, la multitude de débats. Ahlus Sunnah ne débat pas. Ils ne débattent pas. Les adeptes de la Sunna ne débattent pas avec les gens. Sauf lorsqu'il y a un intérêt prépondérant. Mais ceci n'est pas la base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, un peuple ne s'est pas égaré après avoir connu la guidance, si ce n'est après s'être livré au débat. Et le cheikh a mentionné le verset 58 de Sourate Az-Zukhruf, dont le sens en français est le suivant. Ce n'est que par polémique qu'il te cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Et il mentionna, afin de montrer les méfaits de débattre du débat avec les innovateurs, il mentionna la narration de l'imam Al-Alaka'i, rahimahullah, qui mentionna l'état initial des adeptes de l'innovation dans une localité, à savoir qu'ils étaient faibles, mais ils trouvèrent force et réjouissance lorsqu'un groupe parmi les adeptes de la Sunna leur accordèrent l'opportunité de débattre avec eux et se livrèrent au débat avec eux. Donc l'étudiant en sciences ne se livre pas au débat, sauf s'il a de la science et qu'il y a un besoin, il y a une nécessité à cela. Et de nos jours, malheureusement, sont pris pour des ulémas ou sont pris pour des étudiants en sciences, des gens qui ne font pas partie des leurs. Puis le cheikh, hafidhahullah ta'ala, aborda le asl khamis, hafidhahullah ta'ala. Le asl khamis, et concernant la clarification de qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont ceux qui sont des escrocs. Et donc le cinquième fondement, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, le cinquième fondement est qu'Allah caractérise clairement ses alliés et les distingue de ceux qui leur ressemblent parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les pervers. Il suffit à ce sujet d'un verset de la sourate Ali Imran, qui est sa parole dans le sens « Dis, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi, alors Allah vous aimera. » Ainsi qu'un verset de la sourate Al-Ma'ida, qui est sa parole dans le sens en français le suivant « Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. » Et un verset de la sourate Yunus, qui est sa parole dans le sens en français le suivant En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Et il est advenu par la suite chez la plupart de ceux prétendant avoir de la science et faire partie des guides parmi la création et des protecteurs de la législation que pour faire partie des alliés d'Allah, il faut délaisser le suivi des messagers et quiconque les suit n'en fait pas partie. Qu'il faut également délaisser la lutte sur le sentier d'Allah et quiconque lutte n'en fait pas partie. Il faut aussi délaisser la foi et la piété. Et quiconque persévère sur la foi et la piété n'en fait pas partie. Ô Seigneur, nous implorons ton pardon et ta protection, tu réponds certes à l'invocation. Fin de citation des propos de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc notre cher Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, a expliqué qu'ici, donc, il y a la distinction entre les alliés du tout miséricordieux et leurs caractéristiques ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et on les distingue également, donc ça, on doit savoir les distinguer de ceux qui sont des imposteurs et qui ne font pas partie des leurs parmi les alliés du diable. Et leur caractéristique, c'est-à-dire la caractéristique des alliés du diable, a également été mentionnée au sein du Coran et de la Sunna, parmi les alliés du diable, parmi les hypocrites et les pervers, les grands désobéissants. Et donc, les awliyas d'Allah ont été décrits dans le Coran et les trois versets ont été mentionnés, trois versets éminents dans ce sujet-là. Et quel est le bénéfice de pouvoir les distinguer, que l'on tire de pouvoir les distinguer? C'est que lorsque l'on reconnaît les caractéristiques des alliés d'Allah, alors nous nous allions à eux, nous les aimons, nous les secourons, nous les assistons. Tandis que les alliés du diable, le musulman, les déteste pour Allah et s'écarte d'eux et les déteste en proportion de leur opposition à l'égard d'Allah et de son messager et des croyants. Un autre bénéfice que l'on tire de la connaissance des alliés d'Allah et des alliés du Tout Miséricordieux, le fait qu'en connaissant leurs caractéristiques, on peut essayer de se parer de ces caractéristiques et d'avoir ces qualités-là jusqu'à parvenir au même statut que eux. Et le sens de l'alliance, ça revient au secours et à l'amour dans le sens linguistique. Non. Il mentionna pour clarifier ce sujet le verset de Sourate Al-Baqarah, le verset numéro 257, dont le sens en français est le suivant. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les Tawarit, qui les font sortir de la lumière. Donc ils ont pour défenseur le Tarot, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeureront, où ils demeurent éternellement. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il est leur allié. Il leur accorde son amour, son soutien et son assistance. Et Allah a nié le fait qu'il secourrait et qu'il assisterait les mécréants, les polythéistes et les hypocrites, comme mentionné dans Surat Muhammad, le verset numéro 11. C'est-à-dire, dans le verset dont le sens en français est le suivant, c'est qu'Allah est véritablement le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Et le Shir mentionne un autre verset, de Surat Al-An'am, le verset numéro 62, dans lequel Allah a dit, selon le sens en français, ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. Mawla, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Ensuite, il expliqua le principe de ce qu'on appelle al-walaya. Al-walaya al-amma et al-khassa. Celle qui est générale et celle qui est spécifique. Celle qui est générale, c'est dans le sens où Allah est le maître de ses créatures de façon générale et les mécréants et les croyants bénéficient tous de l'octroiement de la subsistance. Même les mécréants bénéficient de cela, de la part d'Allah. Recevoir de sa part la subsistance des enfants, d'avoir des épouses, des enfants, une descendance, la guérison de certaines maladies, Allah gère leur affaire. Et ça, c'est une walaya amma, générale. Ensuite, il y a al-walaya al-khassa. Et ça, c'est une alliance, une proximité et un rang dont bénéficient uniquement les croyants. Le fait qu'Allah leur accorde le secours, le succès et qu'ils obtiennent l'amour d'Allah. Et ceci n'est qu'envers les croyants. Et il mentionna deux catégories d'individus qui bénéficient de cela. Ceux qui sont les devanciers, c'est-à-dire ceux qui devancent les gens dans le fait de faire des œuvres de bienfaisance et qui excellent. Et ce sont ceux qui font les obligations et qui délaissent les interdits. Et qui font les actes dont l'accomplissement est recommandé et qui délaissent les choses détestables. Donc s'ils font les wajibat, ils délaissent les muharramat, ils font les mustahabbat, et ils délaissent les makruhat. Ça, c'est la première catégorie, ceux qui devancent les autres dans l'excellence, dans les bonnes œuvres. Ensuite, la deuxième catégorie qu'il a mentionnée, ce sont ceux qui font les obligations et qui délaissent le haram. Ceux qui font les obligations et qui délaissent le haram. Ils se contentent de cela. Il mentionna un hadith qui est un hadith Qudsi, c'est-à-dire que ceci est la parole d'Allah rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceci ne fait pas partie du Coran. Et ce hadith Qudsi est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Abu Huraira. Et il fut répertorié dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah a dit, selon le sens approximatif en français, « Mon serviteur ne se rapproche pas d'une chose qui m'est plus aimée que par l'accomplissement de ce que je lui ai rendu obligatoire. » Puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ibn Taymiyyah a donc expliqué ce hadith en expliquant que les awliya sont de deux grandes catégories. Il mentionna deux grandes catégories des awliya, des pieux serviteurs et des pieux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui devancent les autres dans l'excellence et ceux qui sont parmi les rapprochés, parmi les pieux. C'est-à-dire ceux qui sont les devanciers dans l'excellence, ceux qui font les obligations et qui font ce qui est recommandé, et l'autre catégorie qui s'est contentée des obligations. Et il apporta un peu plus d'emphase en mentionnant des citations contenant notamment des versets. Il fit la citation de passage et il mentionna des versets de par lui-même, « Hafidhahullah », afin de clarifier ce sujet, afin de donner plus de détails concernant les types de musulmans. Et il mentionna donc le verset numéro 32 de Sourate Fatir, dont le sens en français est le suivant. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, une voie médiane, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Donc on voit ici qu'il y a eu trois catégories d'individus qui ont été abordées. Ceux qui se font du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire les musulmans, mais qui se sont fait du tort à eux-mêmes par le péché. Ensuite, ceux qui sont sur une voie moyenne, c'est-à-dire qui se contentent des obligations, ils font des obligations et délaissent les interdits. Et ceux qui, par la permission d'Allah, devancent tous les autres. Ça, ce sont les devanciers. Il apporta un peu plus d'emphase en mentionnant le verset numéro 7 à 10 de Sourate Al-Waqi'a, dans lesquels Allah Azza wa Jalla a mentionné, dans le sens en français est « Alors vous serez trois catégories, les gens de la droite, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices. » Ensuite, il mentionna un autre passage. J'ai quelque peu rallongé la citation du verset précédent. Et le passage suivant qu'il mentionna est le passage de Sourate Al-Waqi'a, toujours, mais un autre passage dans le passage à partir du verset 88, dans lequel Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et il mentionna et expliqua que donc il y a ici trois catégories qui ont été mentionnées. Celui qui se fait du tort à lui-même, c'est-à-dire c'est le croyant qui a des manquements dans les obligations et des manquements vis-à-vis des interdits. C'est-à-dire qu'il accomplit les obligations, mais des fois les délaisse. Ou des fois s'écarte des interdits, mais des fois les commet. Et il est différent de l'autre, des deux autres catégories. L'autre catégorie est celui qui est sur une voie médiane, c'est-à-dire celui qui fait les obligations et qui délaisse les interdits. Non. Tandis que la troisième catégorie qui avait été mentionnée, ce sont ceux qui sont des devanciers, c'est-à-dire ceux qui devancent les autres par le fait de devancer les autres et d'être des gens qui sont assidus, constants, rigoureux, qui ont de l'engouement dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Cependant, cette catégorie-là n'est pas préservée du péché. Et cette catégorie-là, s'ils pêchent, ils se repentent et se réforment. Et ils ne sont pas préservés du péché. Ceux qui ont été préservés des grands péchés, ce sont les prophètes et les messagers. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionné que le paradis a été préparé pour les muttaqun, bien qu'ils aient des fautes. Ce sont des gens qui ont craint Allah, qui ont redouté Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils aient des fautes. Et Allah y fit référence dans Sourate Ali Imran, dans le verset 130, à partir du verset 135, le passage dont le cheikh fit la mention, dont le sens est, en français, le suivant. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah, c'est-à-dire se rappellent Allah, et demandent ensuite pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Donc le cheikh expliqua à partir de ce verset que donc les muttaqun, ceux qui ont craint pieusement Allah, ils auront le paradis. Mais même s'ils commettent des fautes, ils ne persistent pas sur les fautes et ne sont pas apaisés après avoir péché, mais plutôt se repentent et se réforment. Donc ils auront le paradis bien qu'ils avaient des fautes, mais dont ils se repentaient rapidement. Et il mentionna le fait que les grands péchés sont une forme de transgression envers soi-même. C'est une forme de transgression que l'on fait à notre propre personne. Et donc, le fait de transgresser les limites d'Allah est une forme d'oppression et de tort que l'on se fait à soi-même. Il mentionna pour imager cela le verset numéro 1 de Sourate At-Talaq, dans lequel Allah a dit, dans ce verset dans lequel Allah a dit, selon le sens, quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Et donc les croyants, les pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, peuvent être amenés à tomber dans le péché. Des fois, ils peuvent être amenés à faiblir. Le pieux serviteur d'Allah peut être amené à faiblir et à se faire avoir par l'entreprise et l'entremise du diable qui arrive à l'avoir et à le faire tomber dans le péché. Mais il ne se vante pas de ce péché. Et il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et il demande pardon directement. Donc lorsque les pieux serviteurs pêchent, ils se rappellent ensuite Allah, se rappellent qu'Allah les observe, qu'Allah est leur créateur, leur pourvoyeur en subsistance, qu'il est celui qui leur a octroyé ses bienfaits. Ils se rappellent Allah et directement, ils demandent pardon pour leur péché. Et ceci est le croyant. Il n'est pas préservé du fait de tomber dans le péché. Mais il se repent rapidement. Et il mentionna un hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel il rapporta que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, alla voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda: « Ô messager d'Allah, instruis-moi d'une invocation que je pourrais faire dans ma prière. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit à sa demande en l'instruisant, de dire: « Ô Allah, je me suis certes fait énormément de tort à moi-même, et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi d'un pardon venant de ta part et fais-moi miséricorde. » Donc certes, un pieux serviteur, un allié d'Allah, peut tomber dans le péché. Et le fait d'être un allié d'Allah, être un pieux serviteur rapproché d'Allah, n'implique pas l'infaillibilité, contrairement à ce qu'affirment les innovateurs parmi les chiites. Et Allah a informé concernant certains de ses serviteurs parmi les prophètes. Il a mentionné ce sujet, a clarifié ce sujet, le cher, par la mention de certains versets concernant la situation de certains prophètes, comme le prophète Moussa, alayhi salatu wasalam, comme il est mentionné dans Surat Al-Qasas, le verset numéro 16, dont le sens est le suivant. Il dit: « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset fait référence au prophète Moussa, alayhi salatu wasalam. Ensuite, il mentionna le verset 23 de Surat Al-A'raf, faisant référence à Adam et à son épouse, à Ève. Dans le verset 23, dont le sens en français est le suivant: « Tous deux dire, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Il mentionna également, toujours dans le cas de Adam, alayhi salatu wasalam, le verset 121 de Surat Taha, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens en français: tous deux, c'est-à-dire Adam et Ève, tous deux en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Ceci est la partie que le cher avait mentionnée. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Puis, il y a le verset suivant: son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Et concernant l'histoire du prophète Younous, comme mentionné dans Sourate Al-Anbiya, dont le cheikh fit la mention du verset numéro 87, concernant Younous, lorsqu'Allah fit référence en disant Edhannoun, lorsqu'il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici: point de divinité digne d'être adoré si ce n'est toi. Pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc le cheikh fit la mention de cette partie du verset. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici: nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi. Pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Et le statut de la désobéissance ne fait pas sortir de la walaya, du statut d'être un wali d'Allah. Et le pieux serviteur n'est pas préservé de tomber dans le péché. Et Allah n'a pas mentionné le péché d'un de ses prophètes sans qu'il n'ait mentionné la repentance par la suite, le fait qu'ils aient été et en y repentant par la suite. Et donc ensuite, le cheikh a fait l'explication des versets dans la description du wali, du pieux serviteur d'Allah, que cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a mentionné dans son épître. Rahimahullah. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a mentionné plusieurs versets. Il en mentionna trois. Le premier qu'il mentionna afin de décrire le wali est le verset de sourate Ali Imran, verset numéro 31. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, dit si véritablement vous aimez Allah, alors suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Et donc, le cheikh a expliqué que ceci est la prétention de certains. C'est-à-dire que s'ils prétendent aimer Allah, la preuve prouvant et établissant qu'ils sont véridiques dans l'amour qu'ils ont envers Allah sera leur suivi et leur conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Et il mentionna que Ibn Kathir, dans son tafsir, fit la mention de la parole d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et autre que lui, parmi les ulémas des tabi'in, parmi les ulémas, avait appelé ce verset le verset de l'épreuve. Et ceci est le plus grand signe du wali, de l'allié d'Allah, du pieux serviteur rapproché d'Allah. C'est le plus grand signe du wali, c'est son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses actes d'adoration, dans les croyances qu'il a et dans son comportement. Contrairement à ce que pratiquent les soufis et les chiites, les chiites. Et chez les soufis, certains appellent leur gourou Habib, dans le sens où ils font référence au fait que c'est un soi-disant bien-aimé d'Allah. Mais si on l'observe, c'est-à-dire si on observe attentivement sa manière de pratiquer la religion, on voit que ce soi-disant bien-aimé d'Allah est loin du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on voit chez lui des formes de polythéisme et de mécréance qui prouvent que ce genre d'individus ne sont pas des alliés d'Allah. Ensuite, il mentionna le verset de Sourate Al-Ma'idah, le verset numéro 54, qui fut mentionné par Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans lequel Allah a dit, selon le sens en français, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, alors Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. On a du traducteur, c'est-à-dire qu'Allah aime ces gens et ces gens-là aiment Allah. Donc Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne blâmant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Et donc, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a expliqué que donc, ce verset fait référence au fait qu'Allah va faire venir un peuple. Ce sont ses alliés, ses awliya, ses pieux serviteurs rapprochés. Ils aiment Allah. Donc, parmi leurs caractéristiques qu'il a mentionnées, le fait qu'ils aiment Allah. Et donc, comme ils aiment Allah, ceci est prouvé par quoi? Leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les aime de par leur suivi qu'ils ont du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont doux envers les croyants qui ont concrétisé la foi correcte et qui se désavouent des mécréants. Ensuite, un peu plus loin, le cheikh a fait la mention du verset que cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné pour décrire les awliya. Le verset numéro 62 et 63 de Sourate Yunus. Et ceci est la définition que fit Ibn Taymiyyah en se basant sur ce verset. En effet, ce verset mentionne, selon le sens en français, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront pas affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc, ceci est la définition du terme awliya. Par le Coran. Et c'est la meilleure manière d'expliquer le Coran. Car le premier verset dit, en vérité, les bien-aimés d'Allah, c'est-à-dire les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Et le verset suivant explique qui sont ces gens, en mentionnant ceux qui croient et qui craignent Allah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah a tiré de ce verset que donc tout croyant qui craint Allah, qui est donc pieux, est pour Allah un wali, est un allié d'Allah, un pieux serviteur d'Allah. Et ceci, bien entendu, est en proportion de la concrétisation de la foi et du degré de piété atteint par ce serviteur. Car les awliyas ne sont pas tous égaux dans le rang qu'ils ont vis-à-vis d'Allah. Dans le sens où ils n'ont pas le même degré de concrétisation de la foi ou le même degré de concrétisation de la piété, de la crainte pieuse envers Allah. Et Cheikh développa quelque peu ce verset en expliquant que ceux qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont eu une foi correcte et qui ont fait en sorte qu'elle augmente et qui ont fait en sorte d'éviter qu'elle diminue, sachant que la foi augmente et diminue. Elle augmente par les bonnes œuvres et elle diminue par les actes de désobéissance. Et ceux qui ont donc été pieux et qui ont craint Allah, qui ont eu la foi et qui ont craint Allah pieusement, sont ceux qui sont décrits comme étant des awliyas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a clarifié cela à travers la sunna, dans le hadith qudsi rapporté par Abu Huraira, que nous avons mentionné partiellement tout à l'heure. Et le début que nous n'avons pas mentionné est le suivant. Quiconque s'en prend à un de mes alliés, alors je déclare la guerre. Ça, c'est la parole d'Allah traduite approximativement, dont le sens approximatif en français est le suivant. Quiconque s'en prend à un de mes alliés, je lui déclare alors la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché d'une chose qui m'est plus aimée que par le fait qu'il se rapproche de moi par l'accomplissement de ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il n'a de cesse de se rapprocher de moi par l'accomplissement des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Al-Hadith. Et le Hadith ensuite se poursuit. Et donc ce Hadith, comme mentionné précédemment, décrit deux grandes catégories des awliyas d'Allah, des alliés et des pieux serviteurs d'Allah, ceux qui font les obligations, qui se limitent à cela, qui s'acquittent de ce qui leur est obligatoire, et ceux qui font les obligations, mais qui en plus font les actes recommandés. Tandis que les innovateurs affirment que les awliyas, les pieux serviteurs d'Allah, les alliés d'Allah, ont comme caractéristique, entre autres, le fait de délaisser le suivi des prophètes. Chez les soufis et les rafida, ils érigent leur leader au rang de awliyas, d'alliés, de pieux serviteurs d'Allah. Et après leur mort, ils érigent des dômes et des mausolées et des tombeaux qu'ils construisent sur leur tombe. Et si une personne parmi les adeptes de la sunna viendrait à désapprouver cela, et à blâmer cela, ils lui disent: tu ne connais pas le rang des awliyas, le rang des pieux, tu ne leur donnes pas leurs droits, tu ne les respectes pas à juste titre. Et ce genre d'exagération se trouve dans des sectes, notamment même chez d'autres sectes qui s'affilient à l'islam, comme la secte des frères musulmans et des qutbiyyin, des adeptes de l'égaré Sayyid Qutb, lorsqu'ils font l'éloge de manière démesurée de leur leader. Non. Et parmi les caractéristiques qu'il mentionna, le fait qu'il délaisse la lutte dans le sentier d'Allah, et il mentionna, Cheikh, parmi les éléments qu'il mentionna, que fait partie de la lutte dans le sentier d'Allah, la lutte par la réfutation scientifique. Et il y a dans le sujet trois catégories. La réfutation scientifique à l'égard des non-musulmans, la réfutation scientifique à l'égard des innovateurs et des hypocrites. Et il y a trois catégories de gens dans ce sujet-là. Les adeptes de la sunna qui réfutent leurs opposants avec les preuves et les arguments. La deuxième catégorie, c'est les gens qui s'y opposent, qui s'opposent au fait qu'on fasse des réfutations, disant que ceci n'est pas, yani n'est pas louable, que c'est plutôt quelque chose de blâmable, et que c'est quelque chose qui durcit le cœur, et autres propos fallacieux et pernicieux. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui ont exagéré dans le sujet des réfutations, comme s'ils limitaient la sunna à la réfutation, et qui mettent en garde contre des gens qui ne méritent pas que l'on mette en garde à leur encontre, ou déclare innovateur ou déviant des gens qui ne méritent pas ce genre de jugement émis à leur encontre, comme les Haddadis. Et parmi également les caractéristiques des Awliya pour eux, le délaissement de la foi et de la piété. Et ceci est présent chez les soufis et les chiites, car chez eux, les Awliya Ils prennent comme leader et ils considèrent comme étant des awliya des gens qui sont en vérité sont des sorciers, des tawarid et des charlatans. Non. Ensuite, le cheikh aborda et fit la mention du sixième fondement. Et nous approchons de la fin de notre allocution. Bi-idhnillahi azawajal. Et donc, le sixième fondement est la réfutation de l'ambiguïté établie par le diable afin que le Coran et la Sunna soient délaissés au profit des opinions et des passions diverses et divergentes. Cette ambiguïté suggère que le Coran et la Sunna ne pourraient être compris que par un mujtahid mutlaq, quelqu'un ayant atteint le degré de l'ijtihad absolu, de l'effort d'interprétation de manière absolue. Celui-ci est décrit par des qualités qui ne se retrouvent peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum. Si l'homme n'est pas ainsi, selon leur compréhension erronée, donc si l'homme n'est pas ainsi, il doit alors obligatoirement se détourner du Coran et de la Sunna, sans aucun doute ni aucun problème. Et quiconque qui cherche la bonne voie est hérétique ou fou, au vu de la difficulté à les comprendre. Gloire et louange à Allah qui a donné tant de preuves dans la législation et dans les faits, qui réfute cette ambiguïté maudite, sous différents aspects, à tel point que ceci compte parmi les choses nécessairement connues de tous. Seulement, la plupart des gens ne savent pas. Et Cheikh Ibn Abdelwahab fit la mention d'un verset du Coran al-Karim. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée, et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit leur appel, c'est-à-dire le Coran, et crains le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Et donc, Cheikh Ahmed Badourou expliqua que donc cette ambiguïté qui incite à se détourner du Coran et de la Sunna et du fait de les consulter et de ses références et de sources référentielles, ceci fait partie du plan et de l'entremise du diable, afin que personne ne se réfère au Coran, à moins qu'il ait atteint le degré du mujtahid al-mutlaq. Mais le mujtahid al-mutlaq, qui est-il? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont les critères pour atteindre ce statut et ce rang? Ils ont émis des conditions pour pouvoir consulter et se référer au Coran à la Sunna, des conditions qui, elles, ne se retrouvent peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar al-Khattab. Ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et leur objectif est de détourner les gens de ces sources que sont le Coran et la Sunna, afin de persévérer sur leur innovation. Et si un adepte de la Sunna les blâme et les appelle à revenir au Coran et la Sunna, ils disent, nous n'avons pas atteint le degré de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation. Alors que Allah a décrit comme la vérité et était perçu par la transmission du message, tout simplement. Le cheikh établit ceci en mentionnant le verset numéro 19 de Sourate Al-An'am, dans lequel Allah a dit, selon la traduction approximative du sens du verset, dis, qui a-t-il le plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Donc le cheikh a expliqué que donc, le simple fait que quiconque à qui parvient le Coran lui est parvenu l'avertissement est la preuve du fait établi sur lui. Le simple fait que le Coran lui a été transmis. Et il mentionne un autre verset dans l'argumentation, le verset de Sourate An-Nisa, le verset 165, dont le sens en français est le suivant, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Et le cheikh argumenta également par la mention d'un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas une personne dans cette communauté, juif ou chrétien, qui entend parler de moi et qui meurt sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, sans que pour cela Allah ne le mette au feu. Le cheikh a expliqué que le jugement de la sentence, qui est le fait qu'Allah le mette en enfer, a été rattaché à l'écoute et n'a pas été conditionné par le fait qu'il ait mémorisé telle chose et telle autre condition. le fait qu'il ait entendu parler du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que lui soit parvenu le message concernant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ceci fut suffisant pour l'affirmation du jugement à son égard. Et donc, les innovateurs qui sont influencés par cette ambiguïté se détournent allègrement de la révélation. Et ils te disent que si tu cherches à consulter le Coran et la Sunna, tu es fou ou un hérétique, dans le sens où tu vas interpréter le Coran avec ignorance et que tu es absolument incapable de comprendre le Coran. Et ceci est leur prétention. Et celui qui croit ces gens et qui les écoute et qui suit leur ambiguïté sera privé de la guidance véritable. Et le Cheikh a mentionné certains passages du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran comme étant bayan, comme étant une clarification, un exposé, comme étant une huda, c'est-à-dire hudan, yani en tant que guide, et une mu'adha, une exhortation, comme mentionné dans surat Ali Imran, dans le verset numéro 138, dont le sens en français est le suivant: voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Et dans un autre passage du Coran que le Cheikh mentionna, le verset 64 de surat An-Nahl, dont le sens en français est le suivant: et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a incité à la lecture du Coran. Et il mentionna le verset dont le sens en français est le suivant: ne médite-t-il donc pas sur ce Coran, ou leurs cœurs sont-ils scellés? Et Allah a mentionné dans le verset dont le sens approximatif en français est le suivant: et nous avons rendu le Coran aisé pour quant à son rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Donc le cheikh a expliqué, c'est-à-dire concernant la compréhension et l'étude du Coran, ceci a été rendu facile et aisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les innovateurs qui se sont donc détournés du Coran et de la Sunna, de leur étude et du fait de se référer à eux, organisent des assises de lecture du Coran et des lectures de hadith, lisant les livres que sont le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam muslim, non pas pour les étudier, non pas pour chercher à les comprendre, non pas pour chercher à tirer une guidance, mais pour la baraka. Ils se contentent de les lire. Ils font des assises dans lesquelles ils délimitent des jours à un temps donné, dans lesquels ils vont se livrer à la lecture de ces sources, que sont le Coran et le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam muslim, mais cherchant à en tirer une baraka. Aucune connaissance, aucune compréhension n'est cherchée à travers cette lecture. Et ils prétendent ne pas pouvoir les comprendre. Mais cependant, on voit ces gens-là qui prétendent ne pas être aptes à les comprendre, à étudier des livres dans les fondements du fiqh, dans lesquels il y a des formulations complexes, mais ils se détournent, eux, des textes de la révélation et se contentent de suivre aveuglément des mashayikh. Et Allah a clarifié que les textes sont clairs dans un point de vue de la législation et dans les faits. C'est-à-dire que dans un point de vue de la législation, Allah a établi que le Coran et la Sunna sont, yani à travers la révélation, que le Coran et la Sunna sont des sources claires et des sources référentielles auxquelles on se réfère et desquelles on tire guidance. Et dans les faits, c'est-à-dire que beaucoup de gens, c'est un fait avéré, que beaucoup de gens ont pu comprendre énormément de lois en consultant le Coran. Cependant, ça ne veut pas dire que l'on se dispense des ulémas, car on a besoin de revenir aux ulémas. Il y a des aspects du Coran qui sont compliqués, qui nécessitent un éclaircissement et une étude auprès des ulémas, dans des aspects qui maîtrisent les aspects de la linguistique et des fondements du fiqh. Mais énormément de passages du Coran sont clairs et sont bénéfiques à la communauté. Non. Et avec ceci, donc, le cheikh avait ensuite, par la suite, fait la conclusion de son explication sur le sitta. Et donc, ceci était ma modeste tentative de traduction approximative et résumée des propos du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala nous demandons à Allah qu'il accepte de récompenser le cheikh, qu'il accepte nos efforts, qu'il récompense le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le cheikh, l'augmente en science et en bienfait, le récompense en bien pour ses efforts, et nous accorde à nous, pour nos modestes efforts, dans la traduction et dans l'organisation de ces durus en compagnie des frères qui travaillent dans ce marquez, qu'Allah les rétribue tous par le bien, par la meilleure des récompenses, et qu'Allah multiplie leurs récompenses et nous pardonne à tous nos fautes et nos manquements. Et donc nous espérons peut-être avoir l'honneur de pouvoir traduire les explications de notre noble cheikh dans les explications qu'il a prodiguées et octroyées à la communauté musulmane en langue arabe, dans la clarification des sens de l'épître, les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Nous espérons être amenés à pouvoir nous livrer à cette noble tâche dans la semaine qui va venir. Bi-idhnillahi azzawajal. Wa hadha wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.